Libre expression, page 16. Quatre priorités: santé, attractivité, proximité et scolarité. Adopté à l'unanimité du conseil municipal, le budget communal 2017 répond aux exigences de gestion responsable et rigoureuse voulues par Philippe Henry. Dans un contexte difficile de réduction continue des dotations d'État, conjuguée aux multiples obligations de dépenses normatives, l'équipe municipale réussit néanmoins à stabiliser la fiscalité, dont les taux sont gelés depuis 25 ans. Les efforts de gestion permanents des agents communaux et des élus permettent ainsi de préserver des capacités d'autofinancement de nos investissements en limitant le recours à l'emprunt tout en maintenant une véritable qualité de service public. Face à la diminution accélérée du nombre de médecins et de professionnels de santé, la municipalité a décidé d'engager la mise en place d'une première maison de santé sur la ville. Ce sont ainsi 100 000 euros qui permettront d'amorcer cette construction pour accueillir au plus vite 2 à 3 nouveaux médecins. Après la déconstruction en 2016, la reconfiguration du parc Saint-Fiacre est désormais engagée. Ce chantier majeur va permettre la construction d'un outil essentiel à l'attractivité de tout le territoire. Réalisé par 65% d'entreprises mayennaises, ces travaux vont durer près de 2 ans. Troisième priorité de sa politique d'investissement 2017, la ville poursuit ses actions de proximité pour préserver le cadre de vie, l'élégance urbaine, le patrimoine et le fleurissement durable. Enfin, la municipalité réaffirme son ambition en faveur des écoles en inscrivant 750 000 euros pour la reconstruction du restaurant scolaire incendié de Jean de La Fontaine. Ces quatre priorités d'investissement illustrent parfaitement notre volonté commune de répondre aux exigences d'aujourd'hui tout en préparant demain. Liste majorité municipale. Philippe Henry, Bruno Hérissé, Marilyn Tassé, Vincent Saunier, Bénédicte Ferry, Laurent Rocher, Marielle Planchenot-Michel, Ronald Corvée, Edith Gerboin, Benoît Lyon, Mohamed Nouri, Martine Lemoine, Christiane Varret, Myriam Métiba, Christian Baudouin, Nadine Bruand, Jean Plard, Marie-Vonne Vigneron, Daniel Bobard, Dominique Zon, Jacques Guérin, Anita Soupli, Bruno Lenormand, Barbara Gendry, Stéphane Mercier, Dominique Després, Paul Roubac. Avec vous, agissons pour notre ville. Cette année 2017 va être marquée par les élections présidentielles et législatives. Nous allons donc avoir droit une nouvelle fois à des promesses et des programmes utopiques. Plus grave encore, nos politiques nous font plus que douter de leur intégrité avec ce fameux sentiment d'impunité. Entre leurs confortables indemnités et celles versées à leurs chers attachés parlementaires, tout ceci est d'une grande indécence et amène une suspicion grandissante avec les élus, à juste titre. Comment peut-on d'un côté vouloir supprimer près de 500 000 fonctionnaires, quid des agents du milieu hospitalier, de la sécurité publique, de l'éducation nationale, diminuer le remboursement de médicaments et de l'autre rémunérer grassement des membres de sa famille? Ce que nous voulons au niveau local, c'est proposer une qualité de vie agréable. Notre rôle d'élu est de contribuer à améliorer le quotidien des castro-gontériens, d'accompagner et d'aider au maximum toutes ces nombreuses associations qui œuvrent tous les jours auprès des plus démunis, des plus isolés et bien sûr bénévolement. Comme nous le répétons de nouveau, ce sont toutes ces associations sportives, culturelles, sociales et caritatives qui assurent aujourd'hui cette fameuse cohésion sociale indispensable au bon vivre ensemble. Aujourd'hui, la difficulté d'avoir confiance en nos élus et la proximité avec la population est notre atout majeur. Il faut éviter le cumul de responsabilités, ne pas s'éparpiller et se consacrer à un rôle bien déterminé. C'est cette proximité qui nous préservera de ces abus de pouvoir. Yannick Ledroit, Delphine Subilot, Thomas Richoux. Nous arrivons à mi-mandat, au service de notre ville. Nous participons activement aux différentes commissions du conseil municipal. L'État continue à diminuer ses dotations et à augmenter ses transferts de compétences sans compensation budgétaire. C'est pourquoi nous restons toujours très vigilants sur l'utilisation des moyens financiers de notre ville. Toutefois, il ne faut pas oublier les plus fragiles d'entre nous, les enfants, les malades, les personnes âgées, qui attendent des services de proximité et la qualité dans l'offre des services de soins. Il est grand temps que ces sujets soient au cœur de nos préoccupations. Compte tenu des départs en retraite prochains d'une partie de nos praticiens sans projet de remplacement, ainsi que le changement des pratiques professionnelles, il nous faut anticiper la désertification médicale. La santé est un sujet primordial. Nous souhaitons bien entendu nous investir dans la réflexion que vient d'engager la municipalité sur un projet de construction d'une maison de santé. Par ailleurs, la ville de Château-Gontier est dotée d'un excellent tissu associatif, dynamique, qui joue un rôle essentiel et apporte une cohésion sur notre territoire. Lors du dernier conseil municipal, on nous proposait d'accorder des subventions pour soutenir les actions menées par ces différentes associations. Nous avons soutenu cette proposition et nous encourageons chacune d'elles à poursuivre leur mission. Chaque réunion, chaque discussion avec chacun d'entre vous nous amène à échanger et à enrichir nos propos. N'hésitez pas à nous interpeller, nous sommes à votre écoute. Florence Guédon, Pierre Boulet. Aucun élément transmis, François Gonzague.